Tous les poètes au clair de lune, depuis des siècles, font rimer blonde avec monde, brune et fortune, amour toujours, aimé, pas aimé. Caresse ivraie, si rose éclose, je veux changer toutes ces choses. Je ferai rimer s'il me plaît. Amour avec chapeau, toujours avec jamais. Je veux aimer ce soir un jeune homme aux yeux verts. Si ses yeux étaient noirs, ça ferait un plus beau vert. Je veux le cœur en fièvre, l'embrasser sur les joues. Je devrais dire sur les lèvres, mesdames, chacun son goût. Tant pis si c'est un crime, je me fous de la rime. Je veux le cœur en fièvre, l'embrasser sur les joues. Je veux jusqu'à demain lui caresser les pieds. Je devrais dire les mains, ce serait plus régulier. Tant pis si c'est un crime, je m'en fous de la rime. Je veux jusqu'à demain lui caresser les pieds. Nah. Il suffit que Margot soit brune pour qu'on l'emmène au clair de lune. Mais si ses cheveux sont châtains, ça se passe au petit matin. Et si la pauvre fille est blonde, on l'expédie au bout du monde. Tous les deux avec mon Gaston. Nous ne faisons jamais de verre et nous nous en foutons. Gaston ce soir en douce m'attend sur le pavé. Je devrais dire sur la mousse, hey, il en a pas trouvé. Quoique je l'idolâtre, il me bat comme un chien. Je devrais dire comme plâtre, mais ça n'arrange rien. Tant pis si c'est un crime, il s'en fout de la rime. Quoique je l'idolâtre, il me bat comme un chien. Pour calmer ma douleur, il m'a donné des frites. Oh, si c'était des fleurs, ça serait plus poétique. Tant pis si c'est un crime, je m'en fous de la rime. Pour calmer ma douleur, il m'a donné des frites. Pourtant, on est heureux sous un ciel toujours gris. Pourquoi pas toujours bleu, parce qu'on habite Paris. Il a conquis mon cœur avec ses yeux de travers. Avec des yeux vainqueurs, ça ferait un plus beau vert. Tant pis si c'est un crime, je me fous de la rime. Il a conquis mon cœur avec ses yeux de travers. Mais la fin du poème, la fin sera quand même, sera toujours la même. On se dira je t'aime. Et puisque c'est un crime, gardons la vieille rime. À la fin du poème, je lui dirai je t'adore.